Enseignement par le vénérable Sayadaw Upandita Bhivamsa. Centre de méditation Sakyamuni, mai 2000. Le vénérable Sayadaw aimerait vous parler ce matin de deux sujets. Il va tout d'abord vous expliquer en quoi consiste les quatre méditations protectrices, Jatura, Araka, Bhavana. Ces quatre méditations ont été beaucoup pratiquées dans le passé et sont encore toujours très utiles pour les méditants de notre époque. Le deuxième sujet dont Sayadaw aimerait vous parler, c'est la façon dont le méditant est censé faire rapport de ses expériences lors de l'entretien avec le maître de méditation. Le terme pali, Jatu Araka Bhavana, est un mot composé. Jatu veut dire quatre, Araka veut dire protection et Bhavana veut dire méditation. Ce sont donc les quatre méditations qui protègent celui qui les pratique. S'il est protégé par ces quatre méditations, le méditant pourra pratiquer paisiblement sans être perturbé. Le bonheur du Dhamma, Dhammarati, va alors pouvoir se manifester. Ce Dhammarati va se manifester spontanément. Il ne faut pas confondre ce bonheur du Dhamma avec Kama Guna, le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensoriels. Le bonheur du Dhamma, Dhammarati, surpasse de loin le bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensoriels. Le bonheur du Dhamma, Dhammarati, se suffit à lui-même. Si nous voulons obtenir Dhammarati, le bonheur du Dhamma, nous devons pratiquer les quatre méditations protectrices, Jatu, Araka, Bhavana. Les quatre méditations protectrices sont tout d'abord Buddhanusati, Metta Bhavana, Asubha Bhavana et enfin Marana Sati. Voyons tout d'abord Buddha Nusati qui consiste à se remémorer de façon répétée les qualités du Bouddha. En réalité, les vertus du Bouddha sont infinies. Nous allons donc choisir une des vertus du Bouddha que l'on appelle Arahan. Les gens ordinaires sont encombrés par raga, dosa et moha. Ils sont sous l'emprise du désir avide, de l'aversion et de l'ignorance. Le Bouddha, quant à lui, est libre de ses impuretés. Il est libre du désir avide, de l'aversion et de l'ignorance. C'est pourquoi, tout naturellement, le Bouddha est respecté par les autres. Le fait donc d'être libre des impuretés, telles que le désir avide, l'aversion et l'ignorance, est la cause. Le respect que lui témoignent les êtres humains est l'effet. Le Bouddha était donc quelqu'un qui était libre de raga, dosa et moha. S'il est arrivé à se libérer de ses impuretés, c'est parce qu'il a pratiqué la méditation Satipatthana. Ayant donc pratiqué cette méditation et s'étant lui-même libéré de raga, dosa et moha, il a enseigné ce dhamma aux autres. Il souhaitait ardemment que les autres également puissent se libérer de raga, dosa et moha, la colère, le désir avide et l'ignorance. La méthode de Satipatthana ne relève pas de l'imagination. Elle a été élaborée par le Bouddha lui-même sur base de ses propres réalisations. Ce n'est qu'après avoir réalisé lui-même qu'il a enseigné cette méthode aux autres. C'est donc cette méthode-là, la méthode de Satipatthana, que les méditants ici présents vont mettre en application. Ceux qui connaissent les vertus du Bouddha, et particulièrement la vertu de Arahan, ce que l'on traduit par accompli, digne de respect, vont vouloir suivre l'exemple du Bouddha. Ces gens vont éprouver le besoin de se purifier au niveau des actes, des paroles et de l'esprit. Ils vont alors apprécier le comportement du Bouddha et leur confiance va se développer. La pratique de Buddha Nusati va aider le méditant à surmonter certaines expériences pénibles qu'il pourrait avoir au cours de sa pratique de la méditation. La pratique de Buddha Nusati va donc nous aider à surmonter les visions effrayantes. Il y a peut-être parmi vous certaines personnes qui ne se sentiront pas l'envie de pratiquer Buddha Nusati. Si tel est votre cas, vous pouvez simplement pratiquer la récollection des qualités, des vertus de Satipatthana. La pratique de Satipatthana va amener 7 bénéfices. 1. La purification de l'esprit. 2. La fin du chagrin. 3. La fin des lamentations. 4. La destruction définitive de la souffrance physique. 5. La destruction totale de la souffrance mentale. 6. L'entrée dans le juste chemin. Et 7. L'éradication définitive des kilesas, des impuretés mentales, et donc l'atteinte du véritable bonheur. Vous pouvez donc choisir l'une de ces 7 qualités comme objet de contemplation. Si vous comprenez les avantages de la pratique de Satipatthana, vous allez tout naturellement apprécier à sa juste valeur cette pratique. Et si vous pratiquez sur base de cette confiance, tôt ou tard, la concentration va se développer. Panya, la sagesse, va alors pouvoir se manifester sur base de cette concentration. Le méditant va finalement expérimenter Dhammarati, le bonheur du Dhamma. Ceci est le bénéfice le plus immédiat, mais il y en a beaucoup d'autres. La deuxième méditation protectrice, c'est Metta Bhavana. Metta Bhavana, c'est souhaiter à tous les êtres de se sentir heureux physiquement et mentalement. De la même façon que l'on souhaite être heureux physiquement et mentalement soi-même, on souhaite que les autres également le soient. Puissent tous les êtres être heureux et en bonne santé. L'essence de cette pratique de Metta Bhavana, c'est donc le souhait sincère de voir les autres heureux et en bonne santé. Les êtres humains ont par nature le besoin de vivre ensemble. Les animaux également ont cette même nature. La seule différence entre les êtres humains et les animaux, c'est que l'être humain est intelligent. Pour que cette vie en communauté soit harmonieuse, il est indispensable qu'il y ait metta. Il est indispensable que les êtres humains éprouvent l'un pour l'autre cette qualité d'amour. Il n'est pas possible de faire adhérer l'un à l'autre deux objets qui seraient secs. Il faudra pour cela qu'on applique un élément humide, comme de la colle par exemple. Il sera alors facile de les faire adhérer l'un à l'autre. C'est la même chose pour les êtres vivants. Si l'élément qui permet de les maintenir collés l'un à l'autre, de les faire adhérer l'un à l'autre est manquant, si leurs relations sont sèches, il y aura inévitablement des frictions, des tensions entre eux. Mais si l'amour universel, metta, la compassion, karuna, la capacité au pardon, sont présentes, les relations seront faciles et harmonieuses car l'élément humidité est présent. Metta, l'amour universel, est donc de toute première importance dans les relations humaines. La pratique de la méditation sur l'amour universel est expliquée de façon très détaillée dans les Écritures. Mais pour les méditants qui sont ici et qui pratiquent Satipatthana, il n'est pas nécessaire de connaître tous ces détails. Il est suffisant pour eux de pratiquer simplement l'essence de Metta Bhavana. Vous allez donc irradier l'amour universel de la façon suivante. Puissent tous les êtres vivants être libres de la souffrance, puissent-ils être libres du danger, puissent tous les êtres être heureux et en paix, puissent-ils tous s'assumer avec bonheur. Cette façon de pratiquer metta est appelée le rayonnement d'amour universel par la pensée. Pour irradier l'amour universel, il faut que cet amour universel soit fort. Il n'est pas suffisant de se contenter d'irradier l'amour universel mentalement, car un tel metta sera faible. Il faudra qu'à cette pratique de l'amour universel mentalement, nous ajoutions la pratique de l'amour universel au niveau des paroles et des actes. Ce n'est qu'à cette seule condition que l'amour universel va devenir fort. Si deux personnes sont en relation et qu'elles ont toutes les deux, l'une pour l'autre, de l'amour universel, il y aura échange de metta. Lorsque vous vous adressez à cette personne, vous irradiez metta et en échange, en retour, vous recevez le metta qui émane de cette personne. Si les relations entre les gens sont donc imprégnées d'amour universel, la communauté sera très soudée. L'élément adhésif étant présent, les gens vont, pour ainsi dire, rester collés l'un à l'autre. Ils vont rester ensemble comme s'ils étaient soudés par une colle de première qualité. Si metta est présente dans les relations entre les gens, ils ne se sépareront pas facilement. Les relations entre eux seront harmonieuses. Mais si par contre l'amour universel fait défaut, les gens ne resteront pas ensemble et ils vont souffrir. L'une des causes qui va favoriser l'apparition de metta, c'est le fait de voir ce qu'il y a de positif et d'aimable chez les autres. Les gens ont tous des aspects positifs et des aspects négatifs, des aspects aimables et des aspects désagréables. Il faut apprendre à voir chez les gens leur côté positif. Si l'on s'entraîne à voir chez les gens leur côté positif, l'amour universel, metta, va se manifester spontanément. Asubha Bhavana est la troisième méditation protectrice. On dit également Kotasa Bhavana. Cette méditation consiste à contempler le corps sous son aspect impur. On contemple par exemple les cheveux, les poils du corps, les ongles, sous leur aspect répugnant, sous leur aspect impur. Si on voit le corps comme un ensemble unifié, l'attachement va probablement surgir. Vu dans son entièreté, le corps paraît beau et élégant. Asubha Bhavana, c'est précisément le fait de contempler le corps sous son aspect impur, répugnant. On parle parfois de Kotasa Bhavana. Kotasa Bhavana veut dire contemplation des différentes parties du corps. Il y a 32 parties qui vont être ainsi contemplés. Les cheveux, les poils, les ongles, etc. À force de contempler ainsi le corps en le décomposant en différentes parties, le méditant diminue son attachement, car ce corps ne lui apparaît plus comme beau ni élégant. Il ne le trouve plus désirable. Si on regarde le corps dans son entièreté, on aura au contraire tendance à le voir comme beau et désirable. Certains méditants, et particulièrement les femmes, ont expliqué au vénérable Sayadaw que cette méditation sur l'aspect répugnant du corps allait, selon eux, trop loin. Se concentrer ainsi sur l'aspect répugnant du corps leur semblait exagéré. Le vénérable Sayadaw voudrait donc, en réponse à ces remarques, donner quelques explications supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de beauté, la beauté externe et la beauté interne. Il est possible d'embellir le corps et il est possible d'embellir l'esprit. La plupart du temps, c'est le corps que les gens cherchent à embellir, et ils y consacrent beaucoup de temps. Mais bien peu de gens pensent à embellir l'esprit. La beauté interne n'intéresse pas grand monde. On n'y pense même pas. Les gens n'y voient aucun intérêt. Mais à choisir entre les deux, l'embellissement de l'esprit surpasse de loin l'embellissement du corps. Et si on s'efforce d'embellir l'esprit, le corps va automatiquement se trouver embelli également. La pratique de la méditation Satipatthana n'est rien d'autre que l'embellissement interne. Le temps embellit son esprit. Ce travail va amener des changements au niveau de l'esprit et également des changements au niveau du corps. C'est la vie tout entière qui va se trouver transformée de façon significative. À quelqu'un qui vous demanderait s'il est possible de s'embellir sans utiliser de maquillage, vous pouvez répondre que oui, par la pratique de la méditation Satipatthana. Voyons maintenant quels sont les bénéfices de cette méditation Asubha Bhavana. Le méditant qui pratique ce type de méditation va progressivement développer sa concentration. Lorsque la concentration sera devenue forte, les méditants masculins auront des visions de femmes. Quant aux méditantes, elles auront des visions d'hommes. Ce sont les nimittas, les signes de la concentration. Ces nimittas vont leur apparaître comme des rêves. Et ces images mentales, ces nimittas, pourront devenir des objets d'attachement. Le méditant les prend pour réels, il croit qu'ils existent vraiment. Mais la personne qui a pratiqué la méditation sur la contemplation de l'aspect répugnant du corps, Asubha Bhavana, ne prendra pas ces images mentales pour réelles. Il pourra facilement les éliminer de son esprit et sa méditation va pouvoir se poursuivre paisiblement. La dernière méditation protectrice, c'est Maranasati, la contemplation de la mort. Le méditant réfléchit au fait que la mort peut se produire à chaque instant. Le but de la pratique de la méditation Satipatthana est d'atteindre l'état sans mort, Amata. Pour l'atteindre, il faudra méditer sur la mort. Il ne faut pas craindre de méditer sur la mort. La mort peut survenir à n'importe quel moment. Il se peut que nous mourions très prochainement. La vie est incertaine. La mort, par contre, est certaine. La contemplation répétée de la mort va amener les résultats suivants. Le méditant qui a pratiqué la méditation sur la mort, Maranasati, va pratiquer la méditation sans attachement ni pour le corps ni pour la vie. Il va pouvoir se lancer à corps perdu dans la pratique. Un autre bénéfice de la contemplation de la mort, c'est que le méditant va se rendre compte qu'il est très urgent de se lancer dans la pratique, car la mort peut survenir à n'importe quel moment. Ce sont là des bénéfices qu'apporte la pratique de Maranasati. Le vénérable Sayadaw vous a expliqué en quoi consistent les quatre méditations protectrices, Jhatu, Araka, Bhavana. La pratique de ces quatre méditations va protéger le méditant. Il ne sera pas perturbé pendant sa méditation. Il va pouvoir pratiquer paisiblement, développer son samadhi et faire surgir Panya, la sagesse. Puissiez-vous tous atteindre la concentration et la sagesse au cours de cette retraite de 7 jours. Ce soir, le vénérable Sayadaw aimerait vous parler de la façon dont vous devez présenter vos expériences au cours de l'entretien. Le méditant doit faire rapport de ses expériences au maître de méditation de façon sincère et directe. Le professeur va éventuellement lui donner des instructions complémentaires. Pratiquer Satipatthana implique que nous avons Vipassana Samadhiti, les vues justes Vipassana, ce qui veut dire essentiellement comprendre Anicca, l'impermanence, Dukkha, la souffrance et Anatta, le non-soi. Ces graines de Vipassana Samadhiti ont été plantés dès ce matin. Mais au début du stage, le méditant ne pratique pas encore vraiment Vipassana. Lorsqu'on pratique la méditation, il est important de disposer de 5 choses. On peut utiliser une métaphore et dire que la plantation d'un arbre va nécessiter certaines mesures de protection. Il y a 5 mesures de protection qui seront nécessaires si on veut que cet arbre se développe, fleurisse et finalement porte des fruits. C'est la même chose dans le domaine de la méditation. Si la pratique est protégée par ces 5 choses, elle va pouvoir fleurir et finalement porter des fruits. Ces 5 mesures de protection sont les suivantes. Sila Nogarita, Sutta Nogarita, Sakecha Nogarita, Samatha Nogarita et Vipassana Nogarita. Voyons tout d'abord la première mesure de protection, Sila Nogarita. C'est la moralité. Les préceptes que vous avez pris devront être observés sans qu'il y ait d'écart. Il ne faudra pas transgresser ces préceptes moraux. Si les préceptes moraux sont gardés intacts, la graine de Vipassana ne sera pas ruinée. Le jeune arbre qui vient d'être planté devra lui aussi être protégé contre certains dangers, notamment la présence d'animaux qui pourraient le dévorer. La graine de Kusala, la graine positive que nous avons plantée, devra être protégée par Sila Nogarita, l'observance des préceptes moraux. La deuxième mesure de protection, c'est Sutta Nugarita, la protection qui vient de l'écoute des enseignements. En écoutant les enseignements sur le Dhamma, le méditant va protéger sa pratique. Si nous n'arrosons pas le jeune arbre que nous venons de planter, le sol va se dessécher et cet arbre ne pourra pas se développer. Il sera nécessaire d'arroser régulièrement ce jeune arbre pour qu'il puisse grandir. Dans le domaine de la méditation, un méditant qui n'entendrait pas les enseignements sur le Dhamma, des enseignements adaptés à sa progression, pourrait éprouver certaines difficultés. Sa pratique va se dessécher. Il est donc important que les méditants entendent régulièrement des enseignements sur le Dhamma. De cette façon, ils pourront donner vigueur à leur pratique. Sakecha Nugarita, la protection qui est assurée par la discussion. C'est la troisième protection. Le terme Sakecha peut être traduit par discussion. En réalité, il s'agit de l'entretien avec le maître de méditation. Cet entretien, cette discussion doit se faire dans un endroit approprié et à un moment approprié. Le méditant devra parler de ses expériences de façon claire et directe. Revenons à l'exemple de l'arbre. Si le sol est très dur et sec, il faudra l'ameublir. Il faudra éventuellement appliquer certains produits fertilisants. Ce n'est que de cette façon que l'arbre pourra se développer et prendre de l'ampleur. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette troisième protection, Sakecha Nugarita, la discussion avec le professeur. Lorsque vous présentez vos expériences méditatives, s'il vous plaît, faites-le clairement et ouvertement. N'ayez pas peur de parler sincèrement et d'expliquer tout ce que vous avez expérimenté. Un maître de méditation n'est pas un agent de police qui menacerait ou tourmenterait les gens. Il y a des méditants qui ont peur de l'entretien. Aux États-Unis, a un jour dit au vénérable Sayado qu'aller à l'entretien, c'était comme aller chez le dentiste. Avoir tous ses instruments, elle prend peur. Mais il ne s'agit pas de cela. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de l'entretien. Le vénérable Sayado est venu simplement pour vous aider à pratiquer correctement. Il est inutile d'avoir peur. La quatrième protection, c'est Samatha Nugarita, la protection par la concentration. Le mot Samatha, dans ce contexte, veut dire concentration momentanée, Kanika Samadhi. Au début de la pratique, certains empêchements vont envahir notre esprit, comme par exemple le désir sensuel, Kamachanda Nivarana. D'autres empêchements pourront surgir également. Ces empêchements devront être éliminés par Viriya l'effort, Sati l'attention et Samadhi la concentration. Nous devrons fournir un effort lorsque nous pratiquerons. L'esprit devra être dirigé vers l'objet. Si on fournit l'effort qui est nécessaire et si l'esprit est dirigé vers l'objet, l'esprit qui note va atteindre l'objet et rester fixé sur cet objet. Si ceci se produit, l'esprit se concentre, il s'unifie. Dès le moment où l'effort, l'attention et la concentration sont présentes et que ceci se produit à chaque seconde, l'esprit sera protégé contre les empêchements. Si l'effort, l'attention et la concentration sont présentes à chaque seconde sans interruption pendant une minute, c'est à chaque instant que l'esprit sera protégé contre l'intrusion des empêchements pendant tout ce temps. Si le jeune arbre que nous avons planté est attaqué par des insectes, il faudra tout d'abord faire en sorte que les insectes ne puissent plus atteindre cet arbre. Il faudra prendre des mesures préventives. Et si les insectes ont déjà envahi la plante, il faudra les en extraire. C'est de cette façon qu'on assure un bon développement à cette plante. Si au cours de sa pratique, le méditant est attaqué par les insectes de la méditation, les nivaranas, les empêchements, il devra prendre des mesures préventives. Et si ces insectes, ces nivaranas, ont déjà pénétré son esprit, il devra fournir un effort tout particulier pour diriger son attention de façon très précise vers l'objet. De cette façon, il pourra éliminer ces insectes, ces nivaranas. Une fois débarrassé des empêchements, l'esprit va se purifier. Le méditant va alors pouvoir réaliser la première connaissance vipassana et faire la différence entre l'esprit et la matière. Il va ensuite réaliser les causes et les effets. Les trois caractéristiques de l'univers, à savoir le caractère impermanent de tous les phénomènes, anicca, la nature affligeante des phénomènes, dukkha, et l'insubstantialité des phénomènes, anatta, vont lui apparaître clairement. S'il poursuit sa pratique, le méditant va réaliser un type de joie très particulier. Cette joie et ce bonheur surpassent de loin les joies ordinaires. Il est très important que le méditant ne stagne pas à ce stade. Il ne faut pas qu'il s'arrête dans sa progression. Il faudra pour cela qu'il continue à pratiquer Vipassana avec vigueur, ce qui va lui permettre de surmonter ses sensations agréables. Finalement, s'il poursuit sa pratique, le méditant pourra expérimenter le noble chemin, le noble fruit, Ariyamagga, Ariyaphala. Ce type de Vipassana fort et développé, c'est précisément Vipassana Samaditi, les vues justes Vipassana. Pour que notre jeune arbre puisse se développer correctement, il faut qu'il soit débarrassé des toiles d'araignée. Si l'arbre est envahi par les toiles d'araignée, il faudra l'en débarrasser, car elles pourraient ralentir sa croissance. L'arbre pourra se développer plus rapidement s'il est débarrassé de ses toiles d'araignée. Pour mieux faire comprendre en quoi consiste Samatha Nugarita, la protection par la concentration, on peut donner l'exemple d'une exploitation forestière et de la nécessité de procéder régulièrement à des éclaircies. Ces éclaircies sont nécessaires pour assurer un certain espace aux arbres. Si on ne procède pas à des éclaircies régulières, les arbres n'auront pas assez d'espace ni assez d'air pour se développer. Le sol également va s'appauvrir et les arbres ne pourront pas se développer correctement. De la même façon, si l'arbre, le jeune arbre ou la plante a été envahi par les toiles d'araignée, elle ne pourra pas se développer correctement. Il sera nécessaire de la dégager de ces toiles d'araignée. Nous pourrons alors récolter les fruits. Les méditants qui disposent de ces cinq choses, de ces cinq protections, pourront bien méditer. Puissiez-vous tous être en possession de ces cinq protections et progresser rapidement.